La période des fêtes nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés. La direction et le personnel d'Autobus Robin profitent de l'occasion pour souhaiter joyeuses fêtes à toute la population. Profitez du moment pour fraterniser avec les gens que vous aimez. Ce sont les vœux de Autobus Robin au numéro de téléphone 274-95-95. Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Pendant le temps des fêtes, il y a des traditions qui unissent les gens autour de valeurs comme le partage avec nos proches, de moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Les membres du conseil de la MRC et son personnel se joignent à moi pour vous transmettre nos vœux de bonheur, de paix et de santé. Que la nouvelle année soit pour vous synonyme de succès et d'excellence. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbaume-Cessy, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbaume-Cessy au numéro de téléphone 418-276-6848. On va parler de Midget Espoir. Les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont au cinquième rang de leur ligue au classement et du classement Midget S Espoir. Quoi qu'il en soit, on va parler avec l'instructeur-chef Michel Giguère. Bonjour Michel. Salut. Michel, si on parlait un peu de la saison, comment ça va jusqu'à maintenant? Vous êtes au cinquième rang de la ligue de votre division. Quand même, je regarde ça, vous êtes quand même bien excellent en cinquième place, 10 points d'avance sur la Beauce. On est avant notre tournoi, fin novembre, on avait seulement une défaite au classement. On se battait là parmi les deux premiers. On a connu un bon parcours là au tournoi. On a fini dans le carré d'as. Puis par la suite, ça s'est compliqué un petit peu. On a eu énormément de joueurs blessés, là, ce qui est venu un petit peu compliquer les choses. C'est ce qui fait en sorte qu'on a dégringolé un petit peu au classement. Si on regarde, on est cinquième, mais on est seulement à 7 points de la deuxième position. C'est des matchs de 3 points, ouais. Donc c'est quand même, ça peut se rattraper quand même facilement, mais là, à force de jouer avec des joueurs, il y a des matchs où j'avais 5 remplaçants là, dans mon alignement, puis 8-14 ans au total. Donc à un moment donné, ça, un match, ça peut faire, mais quand ça fait 4, 5, 6 de suite, ça devient un petit peu plus difficile quand il manque 5 à 6 joueurs. Faites quoi à ce temps-là? Est-ce que vous allez vous rappeler des joueurs des PE qu'on appelle dans le midget double lettre? Normalement, il y a des PE. Est-ce que c'est le même principe un peu? C'est le même principe. Moi, j'essaie de regarder là avec les deux équipes qui sont en dessous de moi, là, qui sont le Bantam 2A du Lac et le Bantam 2A du Saguenay. Okay. J'essaie de voir quelle équipe je joue pas parce que je veux quand même pas les pénaliser non plus, eux, indirectement. Mais à un moment donné, quand il m'en manque 6, malheureusement, j'ai pas le choix. Donc, on fait des call-ups, là, on téléphone à l'entraîneur, on se parle régulièrement de toute façon. Puis on met en écoute, j'aurais besoin de 1, 2, 3 ou 4, 5 joueurs. Est-ce que qui tu peux m'envoyer? Puis là, on regarde ça avec. Sinon, des fois, il y a des joueurs aussi, soit du juvénile ou du midget 2B qu'on rappelle là, pour qu'ils viennent donner un coup de main. Vraiment, c'est le même programme un peu que le Bantam Espoir, le midget. Hein. C'est axé beaucoup sur les études. Le matin, j'imagine que vous êtes... le matin, le jeune est à l'école et l'après-midi, le jeune pratique du hockey. C'est un peu le même principe, hein? Oui. C'est exactement la même chose. C'est vraiment c'est un sport étude qui est reconnu par le ministère et tout. Donc l'avant-midi, ils sont à l'école, ils ont de mémoire, c'est 3 ou 4 périodes, là, je me souviens plus trop. Par la suite, l'après-midi, les 5 après-midi par semaine sont avec nous. Donc c'est soit un entraînement sur glace, soit un entraînement hors glace. On a aussi un entraînement là, à junior house, salle de musculation à l'école. Puis à travers tout ça, quand on a du temps libre, des fois, exemple le mardi, la pratique elle est seulement à 4h15. On fait un entraînement hors glace lorsqu'ils arrivent à l'aréna, puis par la suite, on a une période d'études aussi. Donc, on essaie de combler des fois par des manques, là, parce que les joueurs doivent des fois s'absenter de l'école parce qu'on est en tournoi ou donc il manque des journées d'école. Donc, on essaie de leur donner là, des périodes d'études justement pour qu'ils continuent à bien progresser à l'école parce que l'école, je veux pas faire votre pair avec le hockey. S'ils sont en mode échec pendant 2 étapes de chute, malheureusement, ils se retirer le privilège de pouvoir jouer au hockey dans un sport. Est-ce qu'il y a une synergie avec les élites? Une grosse synergie? Ben, je crois que oui, contrairement à ce qu'on aurait peut-être pu entendre des autres années, en tant que moi, je parle avec Steve, qui est l'entraîneur-chef, là, Steve Stériault, au Midget 3. Je parle au quotidien, soit par texto, soit il vient dans mon bureau, on jase. Donc, tu sais, la synergie entre le personnel hockey va super bien. Là, on n'a pas... Steve, des fois, il me montre des séquences vidéo, il vient me montrer, hey, regarde qu'est-ce que Lac Saint-Louis ont fait hier contre nous. Puis, ça, on échange, on est des passionnés de hockey, puis on est des amis aussi, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de trouble. Entre les joueurs, je pense que c'est la même chose. C'est la majorité de mes joueurs, leur objectif, leur but, c'est de pouvoir continuer à progresser cette année et réussir à avoir un poste l'année prochaine. Donc, je pense que la synergie, du moins à l'interne, là, de ce que je vois au quotidien, parce que je suis là au quotidien, elle est très bonne, là, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait entendre là, de l'extérieur. OK. Y a-t-il des joueurs, Midget, à ce point, souvent par le passé, c'était une pépinière également pour la Ligue de hockey junior du Québec. Est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient être repêchés, encore une fois, hautement classés? Dans la Ligue au complet, cette année... Dans l'équipe, là, je te parle de l'équipe. L'équipe, là, je ne peux pas en parler parce que pour la simple et unique raison qu'il y a eu une première liste de la CSR qui est sortie, puis en étant recruteur pour les Foreurs de Val-d'Or, j'ai accès. Ah, okay. Donc, j'ai la possibilité, moi, de voir si j'ai de mes joueurs qui sont inclus dans cette liste-là ou pas. Mais si je peux faire un parallèle à l'année dernière, malheureusement, il y a beaucoup moins de joueurs Midget Espoir cette année qui sont inscrits là sur la liste du CSR parce que si on regarde la ligne Midget 3, si je ne me trompe pas, il y a 35 à 40 joueurs d'âge de 15 ans de plus que l'année dernière. Donc ça fait en sorte que le Midget Espoir, pas qu'il en prend un coup, c'est correct, c'est que les 15 ans étaient peut-être meilleurs que les 16 ans. Il y a toujours plusieurs facteurs ou plusieurs raisons. Donc une trentaine de Midget Espoir qui sont rendus Midget 3 à la place, ça change un petit peu la donne aussi, là. Mais c'est sûr et certain qu'il va quand même en avoir quelques-uns qui vont sortir peut-être troisième, peut-être quatrième ronde, là, un peu comme les années passées. Par contre, je m'attends pas nécessairement à ce qu'il y en aille 3-4 qui fassent le saut directement Midget Espoir à junior majeur comme l'année dernière. Michel, si on parlait un peu de la deuxième moitié de saison, comment ta voix? C'est sûr qu'il va y avoir le retour des blessés. Ça devrait améliorer l'équipe. Est-ce que tu entrevois quand même la deuxième moitié de saison avec beaucoup d'optimisme? Ce que j'ai demandé au Père Noël, c'est avoir une équipe complète. C'est si on regarde avant le tournoi, on avait une fiche de 5-1-7. Okay. Présentement, on a une fiche de 6-6-7. C'est vraiment l'après-tournoi. Si on inclut nos deux dernières parties au tournoi, on a 7 défaites à nos 8 dernières parties. Mais il nous a manqué, je pense, la fois qu'il nous en a manqué le moins, c'était 4. Donc, on a prouvé avant le tournoi et pendant le tournoi qu'avec une équipe complète, on peut aspirer ou du moins on peut battre toutes les équipes de la Ligue. Donc, après Noël, je m'attends sensiblement le même rendement qu'on avait dans le tournoi et un petit peu avant, puis je vous dirais même mieux parce que veux pas, le développement puis la progression des jeunes se fait ressentir, on peut juste s'améliorer. Donc avec un alignement complet, je m'attends à des belles choses, mais malheureusement ça, on n'a pas le contrôle. Ben oui. On aimerait ça, mais malheureusement on l'a. Dernière question, recruteur des Foreurs de Val-d'Or, l'équipe va super bien. Je sais pas si tu as des liens directs avec les Foreurs. J'ai parlé avec Gilles Bouchard récemment, qui est l'instructeur des Huskies de Rouyn-Noranda. Il vient de Normandie en passant. C'est toute qu'une rivalité entre les deux équipes, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, puis c'est le fun d'avoir une belle année également. C'est une belle rivalité, puis ce qui est le fun, c'est que c'est quand même une rivalité, comment je pourrais dire, saine, dans le sens, tu sais, tout le monde qui a 30 ans et plus se souvient de la rivalité canadienne-nordique dans le temps, que tu sais, oui, sur la glace, mais il y avait des coups salauds, puis ainsi de suite. Là, on voit, tu sais, c'est des bonnes mises en échec, c'est du bon hockey, c'est des gros buts, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, c'est une excellente rivalité, puis je pense que surtout avec la baisse des assistances au niveau junior majeur, qui honnêtement, on ne sait pas trop la raison principale, en voyant des rivalités comme ça fait... Cette semaine, c'était un home and home, là. Val-d'Or, Rouyn a joué à Val-d'Or, puis après ça, c'est l'inverse, puis c'était sold out, les deux, puis moi, je les ai écoutés via Internet, puis J'étais assis sur le bout de mon divan, puis j'étais excité par la partie, là, parce que c'était bon, il y avait du bon hockey, même s'il manquait des bons joueurs de chaque côté à cause d'Équipe Canada Junior, c'est vraiment divertissant, là, c'est bien plaisant. OK, puis surtout que les Foreurs, c'est quand même encourageant de voir ça, parce que vous aviez, il n'y a pas longtemps, là, vous aviez représenté l'équipe à la Coupe Memorial, là, la Ligue à la Coupe Memorial, de retourner 2 ans après que D'Anthony Manta qui ont quitté, et ainsi de suite. L'équipe, à quelque part, on sait que la Ligue du hockey du Québec, c'est cyclique. Là. Donc, de vous revoir compétitif, c'est très encourageant là, pour les partisans des Foreurs. Oui, c'est deux ans et demi, ouais. L'année qui sont rendus à la Coupe Memorial, ça a été un excellent parcours. L'année dernière, on a quand même surpris avec l'élimination là en ces matchs contre Bécomo. On perdait la série 3-0, puis on était là rechercher là 4-3. Cette année, ça serait mentir de dire qu'on vise pas les grands honneurs. L'organisation a effectué des changements de joueurs justement pour s'améliorer, puis ça devrait continuer. Donc oui, comme mentionné, c'est un cycle, mais pour l'instant, c'est un cycle qui est en notre faveur, puis on espère là seulement le prolonger puis continuer comme ça pour le restant de l'année, puis se rendre aller chercher le fameux trophée à la toute fin. Ben, Michel Giguère, du Midget Espoir, Saint-Lac-Saint-Jean, gros, gros merci. Bonne chance pour la deuxième moitié, puis on va éviter et on va espérer que les blessés reviennent en grande forme. Merci. Voilà, donc Michel Giguère, l'instructeur-chef du Midget Espoir.